بسم الله الرحمن الرحيم. Au nom d'Allah, le Clément, le Miséricordieux. القارعة ما القارعة. Le grand choc. Qu'est-ce que le grand choc ? وما أدراك ما القارعة. Pourrais-tu savoir ce qu'est le grand choc ? يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. C'est le jour où les mortels se disperseront comme des papillons et où les montagnes s'effilocheront comme du coton cardé. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. Celui dont les bonnes actions pèseront lourd dans la balance aura une vie agréable. Celui dont les actions seront légères, lui, tombera dans le fond du précipice. Sais-tu ce que cela veut dire ? C'est le châtiment d'un feu ardent.